Déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois l'aide dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche simplement à recevoir des dons, mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte. J'ai donc reçu tout ce que vous m'avez envoyé, et c'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Vos dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ. À Dieu notre Père soit la gloire pour toujours. Amen. Saluez en Jésus-Christ tous les membres du peuple de Dieu. Les frères qui sont avec moi vous adressent leurs salutations. Tous les membres du peuple de Dieu qui sont ici, et spécialement ceux du palais de l'Empereur, vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.